présent aujourd'hui. Donc, nous allons, sous une rubrique générale, dissidence, qui n'existe pas et donc qui reste à créer pour le dictionnaire. Nous avons donc prévu de donner la parole à trois communicants qui vont développer des formes particulières de dissidence, schisme, excommunication, dissidence. Et on viendra à Jean-Pierre Albert ensuite, ou bien lors des discussions qui suivront chaque intervention, en tout cas à la fin, de voir s'il faut reprendre le fil de ce qui aura été dit, ce qui pourrait être ensuite envisagé, soit comme un chapeau introductif à la notice qui devrait avoir le jour, soit une forme de conclusion synthétique. Enfin, on verra à ce moment-là, je pense, au fil de la parole, qui verra quand même comment les choses... On se donne une grande liberté, bien sûr, c'est un petit peu le principe du séminaire. Et voilà, donc nous allons commencer par Aurélien Girard, s'il veut bien, et nous allons l'écouter nous parler de la notion de schisme. Donc nous sommes dans le prolongement du forum de l'année dernière, n'est-ce pas? Et donc nous allons continuer sur notre lancée et nous vous écoutons, voilà. Merci. Je remercie les curateurs du dictionnaire dynamique des normes, les organisateurs de ce séminaire de réflexion autour des notices pour leur invitation. D'une part à proposer une notice sur la notion de schisme, mais d'autre part à la discuter, à l'affiner dans le cadre de ce séminaire, avec des spécialistes de notions tout à fait voisines. Répondant avec plaisir et intérêt à cette sollicitation, je présente aujourd'hui non une notice brute, mais une notice avec ses échafaudages, chantier dont l'accès est autorisé sans port de casque, pour discuter des choix et des hésitations dans l'écriture de cette synthèse destinée au dictionnaire. Mon intérêt pour le fait religieux qu'est le schisme remonte à ma thèse de doctorat, qui portait notamment sur les cultures confessionnelles au Proche-Orient au XVIIe et XVIIIe siècle, en prêtant surtout attention au catholicisme oriental qui émergeait, revenant après un schisme dans le giron de la Sainte Église romaine aux yeux de la papauté, très très schismatique aux yeux des communautés orientales non unies au siège romain. Les reconfigurations institutionnelles et culturelles des églises au gré de la confessionnalisation des Orients de l'Europe reste l'un des axes de mes recherches. Lors de mon postdoc à Rome, mon intérêt pour la notion de schisme a croisé celui de Benoît Schmitz, spécialiste de la papauté moderne, qui achève une thèse de doctorat sur le pouvoir spirituel du pape au XVIe siècle, et nous avons pu alors dresser un même constat. Alors que le terme de schisme était omniprésent dans nos sources doctrinales, controversistes, diplomatiques, l'historiographie récente, non confessionnelle, ne s'est pas du tout penchée sur cette notion. Qu'elle n'apparaisse pas dans le dictionnaire des faits religieux en l'état actuel n'était donc pas du tout étonnant. Mais les éditeurs l'avaient tout de même introduite dans l'Index Rerum, renvoyant alors les lecteurs à deux notices, celle d'hérésie et celle d'orthodoxie / hétérodoxie, notion qui par contre ont bénéficié des faveurs historiographiques depuis une vingtaine d'années. Je ne pourrais d'ailleurs que réaffirmer combien il est pertinent de renvoyer à l'entrée hérésie, une excellente notice signée par Alain Le Bouluec, tellement la notion de schisme s'est définie, précisée par rapport à celle d'hérésie, et l'article de Le Bouluec le résume parfaitement pour le christianisme tardo-antique et pour l'âge patristique. Je reviens à mes moutons, ou plutôt à mes brebis schismatiques. À la suite de ce constat, nous avons conçu un programme d'études sur différentes facettes de la notion de schisme au temps moderne, un programme soutenu par le laboratoire des historiens de l'Université de Reims, le CERIC, et l'École française de Rome. Ce chantier s'ouvre seulement cette année. Il se déploie sur plusieurs années pour étudier plusieurs facettes de la notion de schisme. J'en présente donc aujourd'hui la synthèse avant l'analyse, ou plutôt, c'est l'occasion de faire un premier essai de notice, destiné peut-être à l'avenir, à être amendé, complété, dans le cadre de ce dictionnaire proprement dynamique. Pour son édition du week-end, son édition du samedi 24 et dimanche 25 novembre 2012, le quotidien Libération titrait en première page le schisme. Il ne s'agissait pas des tensions au sein de l'Église anglicane, d'un énième épisode de la crise lefévriste, ou encore des tiraillements éthico-politiques au sein de l'Église de France sur les actuels débats de société. Non, le schisme était à l'UMP. Un éloquent montage photographique présentait un pape et son antipape, des fidèles partagés, des anathèmes échangés, turpitude, mafia, le salut pour les uns qui arriveront en bonne alternance prochainement au pouvoir, la damnation pour les autres, condamnés par l'histoire. Comme le terme d'hérésie, le terme de schisme s'est installé dans le discours laïcisé contemporain, pour désigner une scission d'un groupe organisé, chacun des partis se référant à des autorités différentes, opposées, et qui se contestent l'une l'autre la légitimité. J'irai plus loin dans les ressemblances entre les deux termes, schisme et hérésie, tous deux issus du grec, et très marqués par leur épaisseur historico-chrétienne. L'un et l'autre correspondent à des faits religieux dans l'histoire du christianisme, mais avec tout le système de représentation et de conduite qui les accompagne, ils ne peuvent, à mon sens, et c'est une des choses que je vais essayer de montrer, ils ne peuvent, à mon sens, appartenir avec pertinence au lexique des sciences des religions. Pour le terme hérésie, le Boulbec l'a montré d'une manière convaincante. Pour le terme de schisme, je vais essayer d'en discuter. Par contre, je le dis au-delà, ça va au-delà du dictionnaire, il ne serait pas vain d'interroger la question de l'emploi du terme schisme en sciences politiques. Je crois, sans avoir encore creusé ce champ, qu'il faudrait l'investir à partir des temps modernes, que le terme est employé sans véritable réflexion conceptuelle, ce qui justifie, en retour, qu'un tel travail sur la notion de schisme permet de prendre la mesure d'une conceptualité qui continue à diriger notre regard. J'ai par exemple en tête le livre de Raymond Aron sur les débuts de la guerre froide, 48 je crois, qui s'intitule « Le grand schisme ». Commençons d'ailleurs par présenter ce qui pourrait se trouver plutôt en fin de notice. Ce concept d'origine grecque, clairement marqué par son apparition première dans le christianisme, peut-il être prudemment et surtout pertinemment transposé pour l'étude d'autres religions monothéistes? C'est une question que je me pose encore et que je soumets à la connaissance que chacun peut avoir dans son domaine. Je me contenterai à l'exemple de l'islam que je connais un peu. Y a-t-il des schismes en islam? Pas d'entrée pour un tel terme dans les ouvrages de référence, tels que l'incontournable encyclopédie de l'islam dans toutes ses éditions. Pourtant, le terme a pu être employé. Dans l'excellente synthèse qu'on recommande toujours aux étudiants et bien au-delà, celle de Sabrina Mervin, Histoire de l'islam, fondement et doctrine, le champ Flammarion, l'un des chapitres s'intitule « Les schismes dans l'islam ». Elle y décrit « Al-Fitna al-Kubra », la grande discorde qui déchira la communauté à la suite du meurtre du calife Outhman en 656. Une grande discorde sur la question du califat qui culmine lors de la bataille de Siffin en juillet 657. De là, les trois grands partis, groupes, les Kharijites, les Sunnites et les Chimites, apparus. Dans chacun de ces courants, elle laisse élaborer des doctrines divergentes, non seulement sur le califat, mais aussi sur des problèmes théologiques. Des questions relatives aussi aux sources fondements du droit islamique et à son application. De là émergèrent les différentes branches de l'islam qui allaient ensuite se ramifier en sous-groupes. L'arabe les désigne par le terme firqa, ou plus simplement par le mot madhab. Donc, qu'est-ce qu'on entend par schisme en l'occurrence? Une division sur l'autorité politique, sur l'autorité politico-religieuse, le califat, et puis sur des questions doctrinales. Est-ce là ça qu'on peut résumer le schisme? Est-ce que c'est le seul noyau auquel on peut se limiter? On verra, et c'est ce que je vais essayer de montrer par la suite, que dans la réflexion à proprement parler sur le schisme, il y a toute une réflexion sur l'Église, sur l'unité, ce qui constitue l'autorité dans les églises ou dans l'église, dont on ne trouve pas une réflexion semblable vraiment portée sur la rupture dans l'islam ou dans la réflexion sur l'Oumma. Pourquoi alors employer le terme? D'où vient ce qui semble véritablement une importation? Quand on pense un tout petit peu schisme en islam, il nous vient immédiatement à l'esprit le grand livre d'Henri Laouste, professeur au Collège de France, le fils d'Émile, qui, en 1965, a commis un livre de référence, toujours, et Sabrina Mervin y renvoie comme l'ouvrage de référence, évidemment, sur ce domaine, « Les schismes dans l'islam, introduction et une étude de la religion musulmane ». De quoi parle ? Qu'est-ce qu'un schisme en islam pour Henri Laouste ? Henri Laouste, éminent spécialiste d'Ibn Taymiyyah et du Hanbalisme, Henri Laouste, arabisant chrétien, qui a travaillé dans le signage de Massignon, Henri Laouste a un ouvrage de 65, qu'il écrit évidemment dans le contexte de la décolonisation, mais qui en même temps est un personnage qui vient de l'orientalisme érudit, un orientalisme assez conservateur et essentialisant. Il écrit dans ses premières pages, où on cherche une justification pour l'emploi du terme schisme, « L'islam, contrairement à une opinion fort répandue, n'est pas un. De fort bonne heure, il s'est diversifié en une pluralité étonnante de sectes ou d'écoles, qui se sont souvent combattues et parfois même mutuellement condamnées, chacune d'elles se présentant comme la détentrice par excellence de la vérité révélée. Beaucoup ont disparu au cours de l'histoire, de nouvelles disparitions restent toujours possibles. Mais beaucoup ainsi, et souvent les plus anciennes, ont subsisté jusqu'à nos jours, avec une remarquable vitalité, bien décidées à perpétuer et à continuer d'enrichir par des apports nouveaux le lot des croyances et d'idées léguées par leurs ancêtres. Avec une érudition extrêmement profonde, le livre de Lahousse s'inscrit plutôt dans une démarche d'inventaire des différentes sectes, de leur naissance, de leur développement, de leur doctrine. Mais à aucun moment dans le livre, il ne s'intéresse à la scission en elle-même, à ce qu'elle nous dit de l'unité blessée ou préservée. D'ailleurs, il ne définit pas le terme de schisme, introduit dès les premières lignes avec une certaine nonchalance intellectuelle, je cite, « lorsque la maison d'édition Payot nous demanda de consacrer un tome de sa bibliothèque historique au problème des schismes dans l'islam, nous hésitâmes longtemps et on le comprendra aisément, etc. etc. » L'emploi du terme ne me semble pas véritablement convaincant. Son importation pour traiter de la religion musulmane ne me semble pas avoir été réellement pensée. Et en tout cas, le but n'était pas au fond d'attirer l'attention sur la scission en propre, mais plutôt sur les groupes religieux qui en résultaient. Alors, le schisme, aux origines du terme. Parce que, en historien, je vais prendre un petit peu les choses de manière chronologique. Le schisme peut désigner deux choses. La séparation, ou, et l'état de séparation et le groupement chrétien qui résulte d'un tel état. Le schisme grec, le schisme anglican. Le schismatique est le fauteur du schisme, ou bien celui qui adhère par conviction ou seulement de fait. On n'a pas, comme pour hérésie, hérétique, hérésiarque, un mot qui correspond au fauteur du schisme. On trouve dans une lettre de Saint Bernard, schismatarca, mais c'est un abac, on n'a pas d'équivalent par exemple en français ou dans les langues européennes. Le mot est passé du grec en latin ecclésiastique, puis dans les langues modernes. Schisma signifie en grec la fente, la déchirure. Vous serez heureux d'apprendre que le pied du chameau est schismé, selon Aristote. Le terme est employé dans les évangiles, dans l'évangile de Jean, à chaque fois pour désigner des opinions au sujet du Christ chez les juifs qui diffèrent, leur désaccord né d'une discussion à ce sujet. Par exemple, Jean 7, 43, après les paroles sur la promesse de l'olive, je cite, « Dans la foule, plusieurs qui avaient entendu ces paroles disaient « c'est vraiment le prophète », d'autres disaient « c'est le Christ », mais d'autres disaient « est-ce de Galilée que le Christ doit venir? L'Écriture n'a-t-elle pas dit que c'est de la descendance de David et de Bethléem, le village où était David, que doit venir le Christ ?» Un schisme se produisit donc dans la foule à cause de lui. Mais plus intéressant sont les usages chez Paul dans la première aux Corinthiens. Il se réfère à ce moment-là aux troubles arrivés dans l'église de Corinthe. Je cite « Moi je vous mande, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de tenir tous le même langage, de ne pas avoir entre vous de schisme, mais de rester bien en harmonie, dans la même intelligence et dans la même façon de sentir. » Dans cette phrase, on n'a pas affaire à des sectes hors de la communion ecclésiastique, mais plutôt à des cliques, à des parties au sein de la communauté. C'est dès saint Paul que le rapprochement entre le schisme et l'hérésie se fait, au fond, et qu'on commence à trouver comme un espèce de couple indissociable. Toujours dans la première aux Corinthiens, au chapitre 11, « Et puisque j'en suis aux recommandations, je n'ai pas à vous louer de ce que vos réunions tournent, non pas à votre bien, mais à votre détriment. Car j'apprends tout d'abord que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il se produit parmi vous des schismes, et je le prends en partie. Il faut qu'il y ait aussi les hérésies parmi vous pour permettre aux hommes éprouvés de se manifester parmi vous. » Mais ces origines scripturaires n'ont qu'un intérêt limité pour comprendre la portée de la notion. Pour partie, comme la notion d'hérésie d'ailleurs, l'émergence de la notion de schisme est une des manifestations d'intolérance, au sens étymologique du terme, du christianisme, et s'enracine dans la tendance héristique des évangiles. Le discours des deux glaives, etc., opposé à l'enseignement irénique. Mais la notion se développe surtout avec la naissance de l'Église, associée à une exigence d'unité, une unité assurée par une autorité. Son développement est donc lié à la manière dont est conçue l'unité de l'Église, à quoi le schisme se soustrait, et d'autre part, au fait de rupture des communautés existant à un moment donné, à un lieu donné. Chez les pères apostoliques, la notion de schisme n'a pas une valeur ecclésiologique technique. Quand on regarde Ignace d'Antioche, fin du 1er siècle, la condition décisive est l'obéissance à l'évêque, la fidélité à la doctrine qu'il tient et à l'eucharistie qu'il préside. Ignace donne une première formule forte d'un critère de l'unité et du schisme, et schismatique celui qui se sépare de l'autorité légitime, à savoir de l'évêque, et dresse un autel en dehors de son autorité. On retrouve la même chose qu'à l'homme du concile d'Antioche 341, qui articule pour la première fois le passage entre l'Église locale et l'Église universelle. Un jeu d'échelle extrêmement intéressant qu'on retrouvera après, qu'on retrouvera tout au long en fait, de l'histoire. La communion avec l'Église locale est rompue par la rupture avec la communion avec un évêque particulier, car l'autorité épiscopale d'une Église particulière engage l'Église universelle. Cela se marque au plan institutionnel par la valeur universelle de l'excommunication qui frappe le schismatique. Quand un évêque déclare un schismatique dans son église locale, eh bien les autres doivent le considérer également comme schismatique. Saint Cyprien, première moitié du IIIe siècle, articule très clairement cette valeur universelle du schisme. Et Cyprien précise, encore on sème les ingrédients qu'on va retrouver tout au long, jusqu'au XXIe siècle, du schisme. Pour Saint Cyprien, la cause du schisme, c'est le mépris orgueilleux de l'autorité des évêques. L'orgueil des chrétiens à l'origine du schisme devient une constante. Mais c'est en Afrique du Nord, avec la querelle du donatisme, l'intervention d'Augustin, que se précisent les notions, en articulant schisme hérésie, schisme et question des sacrements. La préoccupation d'articuler le schisme et l'hérésie devient systématique dans ces controverses, même si dans les détails, les thèses varient et ne cessent de varier. Si on prend Optate de Milève, saint Optate de Milève, un antinodatiste, dans son traité De Schismate Donatitarum, Ad Parmeniasum, il explique qu'il y a une mania distantia entre l'hérésie et le schisme. Les hérétiques ont adultéré la vraie foi. Ils sont complètement en dehors de l'Église et ne se rattachent à elle en aucune façon. Donc leurs sacrements sont inexistants. Les schismatiques, par contre, ils viennent vraiment de l'Église. Ils l'ont pour mère, mais ils s'écartent d'elle, rompent la paix, mais en s'écartant d'elle, ils emportent avec eux la foi et les sacrements de l'Église, la foi qu'ils ont apprise et les sacrements qu'ils ont reçus d'elle, qui restent valides, selon lui. Chez Augustin, la distribution des rôles est établie de manière confuse d'un traité à l'autre. L'hérésie est une opposition dans la foi, le schisme est une rupture dans la communion fraternelle. Toutefois, la distinction a ses limites. Ce qui commence en discorde, si la division dure, tourne nécessairement en hérésie. Et on trouve ça dans le code théodosien. C'est-à-dire que le schisme semble un état fragile, intermédiaire, on reverra ça, et puis on peut tomber de l'autre côté, du côté de la rupture, une rupture qui semble totale, du côté de l'hérésie. D'ailleurs, Augustin précise qu'au début du schisme du donatisme, sans doute c'était au départ qu'un schisme, mais leur pertinacité dans le dissentiment en a fait une hérésie. Ce critère de la pertinacité, de l'obstination qui compte pour l'hérésie, va compter beaucoup pour le schisme. Jérôme enfonce encore un clou, il n'est pas de schisme qui, pour justifier sa sécession, ne fabrique une hérésie. Le dernier trait de la théologie augustinienne, et qui aussi présage une évolution ultérieure extrêmement importante, c'est l'appel au cours de la controverse avec les donatistes à un critère avec les donatistes, à un critère d'unité et de communion au sein de la Catholica. Le critère des églises apostoliques est singulièrement l'église romaine où se trouve la cathédrale Pétrie. Plus tard, dans un Occident coupé de l'Orient, la référence au siège romain se fera exclusive. On a là tous les ingrédients qui vont évoluer au cours du Moyen-Âge et qui vont être utilisés. D'un côté, la réforme grégorienne a amené l'intérêt sur la question de la validité des sacrements, conférés par les simoniaques, les excommuniés, les hérétiques, les schismatiques. D'autre part, la centralisation ecclésiastique nécessitée par la réforme accentua dans une église d'Occident, coupée de l'Orient, l'autorité administrative du Saint-Siège. C'est à cette époque-là qu'on voit apparaître des traités, des deschismatés, qui concernent en réalité surtout des faits d'antipape. Et la tendance générale, si tous ces ingrédients sont repris, maniés avec quelques nuances, va vers une accentuation de l'importance du Saint-Siège. Il faut aller après vers Thomas d'Aquin pour trouver encore quelque chose qui va être un peu neuf et des choses qui vont être mobilisées sans arrêt. Voilà la définition classique du schisme que donne Thomas. Le péché de schisme est proprement un péché spécial du fait qu'on veut se séparer de l'unité que la charité réalise. On appellera donc schismatique à proprement parler ceux qui d'eux-mêmes et intentionnellement se séparent de l'unité de l'Église. Les critères de l'unité donnent par conséquent ceux du schisme. Et il dit ainsi, l'unité de l'Église est envisagée de deux façons, dans la connexion ou la communication réciproque des membres de l'Église entre eux, et en outre, dans l'ordre de tous les membres de l'Église à une tête unique. Or, cette tête, c'est le Christ lui-même, dont le souverain pontife tient la place dans l'Église. C'est pourquoi on appelle schismatique ceux qui ne veulent pas se soumettre au souverain pontife et qui refusent la communion avec les membres de l'Église et qui lui sont soumis. La notion de schisme se présente donc en creux comme un révélateur de l'institution ecclésiale, de ses frontières internes et externes, et surtout des liens horizontaux et verticaux qui la constituent. Au moment du grand schisme, les traités se multiplient dans un contexte de controverse. Alors, je dois dire que, comme je l'ai dit en introduction, la bibliographie, on n'a pas grand-chose de récent à se mettre sous la dent sur ces sujets. Quand on regarde les périodes antiques ou médiévales, on est, comme souvent en ecclésiologie, assez impressionné par ce qu'a fait Congar, même s'il faut toujours aborder ce qu'a fait Congar en sachant pourquoi il a voulu le faire et dans quel sens il l'a écrit. Lorsqu'on regarde la notice sur le grand schisme, sur le schisme dans le DTC de Congar, il nous explique que, au moment de la chapitre grand schisme, que le grand schisme n'est pas vraiment un schisme, ou du moins c'est peut-être un schisme sans schismatique, car la dispute ne porte pas tant sur l'autorité du souverain pontife, qui n'est pas mise en question, que sur la personne du pape. Je ne vais pas préciser trop ici, mais il y a tout de même au moment du grand schisme des discours incriminant le refus de terminer le schisme comme une hérésie. Et puis, également au moment du grand schisme, il y a tout un jeu entre des échelles locales, avec des schismes à l'échelle locale, et puis le schisme à l'échelle de la papauté, qui mérite l'attention. Mais on est encore plus déconcerté quand on arrive à l'époque moderne. Et c'est là que je parle de manière plus prospective, puisque c'est justement ce chantier sur l'époque moderne et puis qui s'étend un petit peu sur l'époque contemporaine que l'on compte mener dans le cadre du programme schisme qui s'ouvre cette année. Alors, quand on regarde Congar, quand on parle de Congar et de ses ouvrages, ou de la notice dans le TTC, il nous dit quelque chose auquel le moderniste est assez habitué quand on lit un peu de Congar, c'est que les controverses à l'époque moderne n'ajoutent rien à la notion de schisme. C'est à ce moment-là, on a souvent l'idée que Congar cherche, je schématise à grands traits, mais cherche à se débarrasser d'une vision trop juridique du schisme, qui, dans une théologie œcuménique, l'encombre et considère que c'est une construction superfétatoire, et en particulier, en général, la théologie de l'époque moderne, d'ailleurs c'est une redécouverte plutôt récente, a été évacuée, et il considère que les controverses de l'époque moderne n'ajoutent rien à la théologie médiévale, jonglant plutôt avec les idées déjà développées à l'époque médiévale. Et il dit, de toute façon, ça ne fait qu'insister sur l'importance exclusive du pape. À voir. Je dis tout de même quelques idées qui me traversent la tête et qui ont été à l'origine du programme schisme, qui commence avec le grand schisme et qui va s'étendre jusque, j'espère, qu'il va s'étendre plus ou moins vers l'époque contemporaine progressivement. Tout d'abord, il y a quand même un moment où la question du schisme a été très agitée, c'est dès le début du XVIe siècle, avec le concile de Pise-Milan-Lyon, 1511-1513. C'est le dernier cas de schisme médiéval où on a des désaccords politiques, les ambitions du Sacré Collège et une volonté de réforme qui donne lieu à un schisme, articulé avec la vieille idée du concilier, l'idée du conciliarisme. Pas vieille idée, la vieille idée du conciliarisme. Il y a deux conciles opposés. Celui de Pise n'ira pas jusqu'à élire un nouveau pape, ne dépose même pas Jules II, mais le suspend. De l'autre côté, Jules II punit les schismatiques. La réconciliation se fait. Le schisme est réduit sous Léon X, qui refait l'unité. C'est le moment d'immense espoir sur son pontificat. On attend le pape angélique. Et il y a un accord général des conciliaristes et des papalistes sur l'existence d'une autorité suprême dans l'Église avec laquelle il faut être en communion. Les choses changent après, évidemment, avec l'âge de la réforme. Et c'est là que, à notre sens, l'époque des réformes a davantage été étudiée sous l'angle de l'hérésiologie que de celle du schisme. Et pourtant, tout nous pousse à l'envisager davantage sous à l'aune du schisme. Dans un article très fort célèbre, un des plus faciles à lire, oserais-je dire, d'Alphonse Dupron, Réflexion sur l'hérésie moderne. Alphonse Dupron a vu, dans ses réflexions sur l'hérésie moderne, qui est un article très stimulant, qui donne beaucoup à penser, il a vu, dans la promotion progressive de l'hérésie en confession et de la confession en Église, le génie propre de l'hérésie moderne. La promotion progressive, je cite, de l'hérésie en confession et la confession en Église, le génie propre de l'hérésie moderne. Il nous explique que, contrairement à l'hérésie médiévale, l'hérésie moderne n'est plus un mal organique. Elle n'est plus une société de religion. L'hérésie moderne n'est plus le mal organique d'une société de religion, d'une société totale, mais à l'époque moderne, elle s'établit plutôt en société externe, coexistant dans un rapport d'antagonisme avec l'Église établie. Il n'y a plus intégration organique, comme à l'époque médiévale, mais confrontation spatiale. Schiffolo a franchi un seuil supplémentaire en commentant, en allant plus loin que Dupron et en commentant Dupron. Il insiste, je cite, sur la radicale différence entre l'hérésie médiévale et la confession réformée. Avec la réforme, il n'y a pas vraiment une promotion de l'hérésie en confession, nous dit Schiffolo, pour la bonne raison que l'hérésie appartient à un autre monde, un monde en train de disparaître, qu'elle n'a plus d'avenir. À la différence de l'hérésie médiévale qui ne pouvait se penser entièrement en dehors de ce cadre unique, unitaire, total, qui était la chrétienté, et avait avec celle-ci un rapport qui n'était pas à proprement parler, un rapport d'opposition absolue, d'exclusion et d'altérité totale. Par contre, le protestantisme advint en se séparant complètement de l'Église catholique. Ces réflexions sur l'hérésie moderne mettent donc l'accent sur le fractionnement de l'institution jadis englobante, sur la partition de l'espace et sur ses conséquences géopolitiques. L'évidence, c'est une Europe du Nord protestante, une Europe du Sud catholique. Ça met le doigt sur la sécession, sur la coexistence d'une pluralité d'églises, tout trait qui caractérise les phénomènes de schisme. Il ne s'agit pas, dans l'idée de notre programme, d'ici, en fait, ni dans l'idée de cette notice, encore moins dans l'idée de cette notice, de refaire ce qu'avait tenté un petit peu de faire Congar, c'est-à-dire une forme de systématique du schisme, et qui en montrait d'ailleurs les apories, pourquoi il fallait sans doute abandonner cette notion, mais de réfléchir aux usages qu'on peut faire les confessions modernes, du critère d'obéissance, du refus d'obéissance à l'autorité ecclésiastique, du critère de la communication ou du refus de communiquer avec les autres chrétiens. Il s'agit de prêter attention à l'accent, de mettre l'accent, prêter attention aux formes politico-juridiques de l'unité institutionnelle. Parce que, à force de s'intéresser à l'hérésie et à sa répression, on a fini par perdre de vue peut-être les modalités de communion et d'excommunion qui ont pourtant joué à ce moment-là un rôle crucial. Par exemple, ces dernières années, je pense à un programme qui va être publié sur les hétérodoxies croisées qui était mené à Rome justement par Gimilla Flamito et Alain Talon, on a redécouvert que dans l'Église tridentine, en dépit de toutes les images qui circulaient, en dépit de ce qui avait montré aussi les études qui profitaient de l'ouverture des archives de l'Inquisition romaine, eh bien finalement, dans l'Église tridentine, il restait un pluralisme doctrinal très vivace. Les controverses n'empêchaient pas de maintenir l'unité, et Rome n'était pas aussi attachée qu'on pouvait le penser à la conformité doctrinale au sein des Églises. Elle était même disposée à tolérer des formes d'hétérodoxie. Ce qui semble compter surtout, c'est l'unité des croyants dans une institution fondée sur l'autorité pontificale. Cette perception de l'hérésie, qui est finalement comme schisme, se retrouve dans des définitions de l'Église données à ce moment-là. Par exemple, en 1554, la définition de l'Église donnée par le jésuite Pierre Canisius dans son grand catéchisme, un grand catéchisme qui était destiné à favoriser la reconquête catholique de l'Allemagne, il nous explique « L'Église est la société de tous ceux qui font profession de la foi et de la doctrine de Jésus-Christ, ce prince des pasteurs qui, en cette qualité, en a confié la conduite et le gouvernement à l'apôtre Saint-Pierre et, dans la personne de ce dernier, à ses successeurs. Ainsi, c'est à tort que s'arroge le nom d'Église les hérétiques et les schismatiques, quelle qu'en soit la secte, qui, bien qu'ils semblent professer la foi à la doctrine de Jésus-Christ, refusent de se laisser conduire par le pasteur et le pontife souverain que Jésus-Christ s'est substitué à lui-même dans le gouvernement visible de son Église et qui constitue d'avoir son siège à Rome par une succession non interrompue. » On est bien... Le critère décisif de l'appartement à l'Église n'est pas tant à la confession des vérités de foi que dans l'obéissance au pape, comme si l'erreur doctrinale était trop difficile, trop délicate à cerner, que l'orthodoxie prêtait à trop d'équivoques, là où la soumission ou l'opposition au souverain pontife, elle, n'en trompait pas. Je remarque ça aussi dans un dossier que je suis en train de travailler, qui est le dossier des professions de foi destinées aux orientaux, où, au fond, lorsque, dans les, j'y reviendrai très rapidement après, lorsque l'on essaye d'évaluer, on essaye de trouver un critère pour les orientaux qui se déclarent catholiques, qui se déclarent unis à l'Église romaine, et qui ont des choses à demander, évidemment, à Rome à ce moment-là, notamment de l'argent, eh bien, on cherche un critère valable. Il ne suffit pas à un historien d'abjurer les hérésies Nestorius, il ne suffit pas à un grec de dire que Phocius était un abominable hérétique, mais le critère, d'ailleurs dès la première page des professions de foi qu'on envoie en Orient, c'est le critère de la reconnaissance de l'autorité pontificale. Et d'ailleurs, sous la couverture des professions de foi qu'on envoie en Orient, on voit souvent le Christ qui remet la clé à Pierre. On sent également cette difficulté à évaluer l'orthodoxie des catholiques en Europe, notamment dans la crise janséniste, où on préfère, plutôt que de mobiliser hérésie, semi-hérésie, pélagianisme, etc., Rome va préférer mobiliser l'idée de schisme et de schismatique qui va être très utilisée à ce moment-là, des deux parties. Quand on aborde l'époque contemporaine, on a encore plus de difficultés à trouver des éléments pour y réfléchir. Bien entendu, il y a des schismes, en partant de la constitution civile du clergé, de la petite église née du refus du concordat de 1801, du schisme des vieux catholiques, on pourrait ajouter le cas de la Chine, ou encore des cas dans les clergés autrichiens et allemands aujourd'hui, ou encore le cas des lefévristes. Selon Congar, à l'époque où il écrit, il dit tout ça n'a pas donné de nouvelles réflexions. On peut hésiter entre deux choses, surtout en s'interrogeant sur le XXe siècle. Est-ce que le schisme se fait rare au profit de départ, de rupture douce, de départ discret de l'Église, d'éloignement tranquille, sans faire de bruit, sans faire de scandale? Est-ce que le schisme s'est éteint parce que, dans le mouvement œcuménique, le regard a finalement peu porté sur la rupture, à sonder la rupture, à sonder ses origines? Ou est-ce que le schisme, la notion de schisme, garde-t-elle une pertinence? Notamment, je pense à la plasticité doctrinale du catholicisme contemporain, où la question de l'unité de foi est parfois posée, et où la primauté du pape est présente comme jamais, c'est un constat, dans l'histoire de l'Église. La notion de schisme ne garde-t-elle pas une pertinence pour comprendre la spécificité aussi du catholicisme par rapport à d'autres religions dans son régime d'unité, l'existence d'une autorité avec laquelle il faut être en commun. Et j'ai l'impression que, aussi quand on a voulu en finir avec le schisme, je pense à cette théologie qui puisait beaucoup dans l'histoire, dans Congar, pour le plus et ceux qui l'ont suivi, il y a des limites à ces perspectives confessionnelles qui ont été engagées et qui ne permettent pas de lire, je crois, certaines situations à l'aune du critère de schisme qui reste employé. Je ne m'étends pas trop là-dessus. Je passe au dossier oriental. Lors du schisme oriental, je préfère prendre la question orientale un petit peu à part. Le schisme oriental, au départ, n'a guère été l'occasion d'approfondir la réflexion sur le schisme. Même si chez Godefroy de Fontaine, on trouve des questions telles que Utrum Graecorum error de Spiritu Sancto sit peior quam in nominentia eorum vale conversio. Est-ce que l'erreur des Grecs sur l'Esprit Saint est pire que leur désobéissance? On retrouve donc la question de la gravité comparée du schisme et de l'hérésie. J'ai un franciscain anglais de la fin du XIIIe siècle, Roger Martson. Il s'interroge sur si les enfants des schismatiques sont en état de salut Et selon lui, il faut distinguer trois types de schismatiques, ceux qui n'ont pas l'usage de la raison, qui sont sauvés par l'effet du véritable baptême, ceux qui ont l'usage de la raison, et là, il ne croit pas que ces gens-là peuvent être sauvés, puis il y a les braves gens, les populares, qui, tout en n'ayant pas l'usage de la raison, ne savent pas qu'ils sont séparés de l'Église. On peut croire qu'ils se sauveront par une foi implicite quant à son objet, mais cette catégorie, pense le franciscain, ne doit pas être considérable. Du côté, donc ça, c'est côté latin. Du côté oriental, on trouve toujours la même référence, c'est la référence à Basile. Basile distinguait trois catégories, l'hérésie, le schisme et ce qu'il appelle les parasynagogues, les groupements dissidents. L'hérésie est le fait de ceux qui sont tout à fait perdus et sont devenus étrangers quant à la foi elle-même. Le schisme est le fait de ceux qui, pour des causes ou des questions ecclésiastiques, divergent les uns par rapport aux autres d'une manière non irréductible. Les groupements dissidents surviennent du fait de prêtres et d'évêques indisciplinés et du fait de gens mal formés. Et comme exemple, il donne « avoir au sein de l'Église des sentiments différents touchant la pénitence. Basile admet la validité du baptême des schismatiques, mais non celle du baptême des hérétiques. Ça a de grandes conséquences aujourd'hui. J'y reviendrai justement dans la manière dont l'Église orthodoxe peut se définir avec les autres Églises. C'est là que le critère de schisme est extrêmement utile. » Il y a bien sûr des schismes propres à l'Orient, il ne faudrait pas les oublier. L'Église orthodoxe russe fut longtemps divisée par le Raskol, le schisme des non-croyants, frappé d'excommunication en 1666 suite à la réforme de la liturgie et à l'excommunication du patriarche Nikon. Une excommunication levée en 1971, à une époque où on veut lever les excommunications, 65, je rappelle, c'est la rencontre entre Paul VI et Athénagoras. Mais pour ce qui est de la séparation entre l'Église romaine et eux, les Byzantins, eh bien, les Grecs ne parlent pas tellement de schisme. Ils portent la séparation au rang de l'hérésie, ou plutôt au rang des erreurs des Latins. Ces listes d'erreurs ont fait justement l'objet d'un intérêt récent avec les travaux de Tia Kolbaba et ceux de Marie-Hélène Blanchet. Pour trouver une réflexion nouvelle sur le schisme, il faut plutôt regarder du côté de la réflexion occidentale et orientale sur les unions. Ce sont les unions qui permettent de réfléchir au schisme en creux. Les unions de Lyon et les unions de Florence, 1274 et 1439 et la suite. Et puis la littérature missionnaire latine. Il s'en dégage des choses intéressantes. Tout d'abord, il s'en dégage que le schisme n'est peut-être pas un événement. Le schisme de Photius, longtemps bête noire des catholiques latins, le schisme de Michel Serulaire, 1054, date qu'on impose dans les manuels scolaires, le sac de Constantinople lors de la quatrième croisade, Stephen Runciman insistait beaucoup sur cette rupture, ou même la renonciation à l'union de Florence, tout ça ne constitue peut-être pas des dates qui marquent un schisme. Le schisme semble plutôt, selon certains auteurs, un processus, même pas forcément linéaire. C'est la thèse de théologiens des années 60-70, de l'époque de l'œcuménisme, Yves Congar d'un côté, Callistos Ware de l'autre pour les orthodoxes. Aucun de ces moments ne provoque une rupture totale dans la communicatio in sacris, dans les lieux de frontières ou de vivre ensemble, comme on dit aujourd'hui. Et même ces deux théologiens se demanderont, par surtout Callistos Ware, si la rupture finale a même été consommée. Toutefois, ils s'accordent que s'il y a eu vraiment rupture, et c'est intéressant, elle eut lieu dans la première moitié du XVIIIe siècle, lorsque les églises orientales unies se multiplièrent. De fait, connaissant un peu le XVIIe siècle, lorsqu'on lit les traités qui sont écrits sur le schisme des Grecs à Rome, certains, comme Léo Alassius, nous expliquent qu'il n'y a pas de schisme entre l'Église orientale et l'Église occidentale. Il y a, au pire, des schismatiques. Il n'y a pas de schisme, il n'y a pas d'état de schisme. Au pire, il y a quelques individus schismatiques qui détournent le troupeau ignorant, comme Phocios, Marc d'Éphèse, etc. L'Église orientale n'est pas en état de schisme. Léo Alassius soulignait la concordia des deux Églises, la perpetua consensio des deux Églises, s'appuyant notamment sans arrêt sur les textes grecs. Les missionnaires qui s'adressent aux orientaux, et en particulier les jésuites, aiment beaucoup partir de là. Eux-mêmes, dans leur pratique du terrain, ne considèrent pas qu'il y ait schisme. Pour convaincre les Roumes, les Grecs, les missionnaires essayent de montrer aux orientaux que leur Église est en fait fidèle à Rome, s'il n'était pas détourné par quelques mauvais schismatiques. Et il s'appuie sur les Écritures, sur la liturgie byzantine, sur les sept premiers conciles, sur la patristique grecque, pour leur montrer que s'ils sont fidèles à leur propre Église, ils sont naturellement soumis à Rome. Leur pratique de terrain s'adapte tout à fait à cette perception de l'autre. Ils prêchent, confessent, marient des couples mixtes, comme si le schisme n'était pas réel. D'ailleurs, a été conçu canoniquement cette pratique, cette façon de cette communication in sacris. La plupart des missionnaires, même le Saint-Office, s'appuient à ce moment-là sur une vieille constitution de Martin V, où il paraîtrait que la communication est possible avec les Grecs du moment qu'ils ne sont pas excommuniés nominatim, ce qui autorise une pratique très très libérale. Mais les choses se corsent au moment où naissent en Orient ces églises orientales unies. La frontière devient infranchissable. Désormais, on ne parle plus du gentilhomme à convertir, à lui expliquer quelle est sa véritable foi, mais l'autre, le schismatique, le grec, l'ennemi, devient, pour la littérature que je connais en arabe, le kafir, vraiment l'infidèle, l'athée, dont le salut est irrécupérable. Il y a donc tout un jeu à ce moment-là autour de la notion de schisme qui permet de construire une frontière adaptée aux besoins, perméable ou moins perméable. Quelques lignes en conclusion. La notion de schisme interroge des liens verticaux, la hiérarchie, évêque, pape, patriarche ou autre système, et horizontaux, tout type de solidarité au sein de la communauté qui fonde l'unité d'une église ou d'une communauté. Ce qui est intéressant également dans la notion de schisme, c'est qu'elle se joue toujours à une pluralité des échelles, universelle ou à prétention universelle, mais aussi l'échelle locale qui ne disparaît jamais, le diocèse, le patriarcat, un pays. Les échelles se répondent souvent, et l'attention à ces jeux scalaires du schisme permet de comprendre aussi les reconfigurations politico-ecclésiales à l'œuvre à un moment donné. Je ne donne qu'un seul exemple. Lors du schisme au sein du patriarcat grec d'Antioche, en 1724 ou 1728, ou une date postérieure, la communauté melkite grecque d'Antioche se scinde en deux communautés. Une dite grecque catholique qui se rattache à Rome, une dite grecque orthodoxe. Et jusqu'alors, ça reste comme ça. Alors, on peut voir le schisme au sein de ce patriarcat et au sein de cette église locale, qui est une église arabisée depuis très longtemps, dont la liturgie était arabe, qui fonctionnait de manière parfaitement autonome. Mais en même temps, il y avait très souvent des schismes au sein de cette église, parce qu'il y avait des doubles élections patriarcales, parce qu'il y avait une recherche en raison de concurrence des familles, pour des raisons tout à fait endogènes au système de l'église. Mais en même temps, ce schisme, cette fois-ci au sein de l'église, est utilisé, ou du moins est utilisé par des forces extérieures, mais les forces internes ont aussi recours à des arbitres extérieurs. D'une part, Rome, qui évidemment cherche toujours à unir en Orient, par ses missionnaires, par une action, par les consulats français, etc. Mais aussi Constantinople, qui profite de se retrouver au sein de l'Empire ottoman, partager un même espace commun, pour satelliser les patriarcats du Proche-Orient, Jérusalem, Alexandrie et Antioche. Donc, on a un schisme qui se produit à l'échelle locale, mais en même temps, l'église de Constantinople, qui en profite pour se construire et récupérer ses églises anciennes, et Rome qui en profite également pour récupérer ses églises, et donc un système de solidarité divers qui se crée. Ces Grecs catholiques antiochiens vont se trouver rapprochés des Grecs d'Italie du Sud, vont se trouver rapprochés des Grecs, Grecs catholiques d'Europe de l'Est, et on voit par exemple, ça mène, je tire l'histoire à très très grands traits, au moment du Concile Vatican II, le groupe des évêques grecs catholiques, les proximités se font sur le fait que ce sont des Grecs catholiques, même s'ils n'ont rien à voir dans les situations d'église ou de pays. Et par contre, les frères ennemis, ce sont toujours les catholiques les plus proches, maronites et, en tout cas, surtout les maronites et les Grecs catholiques, par exemple. Donc, pluralité des échelles. Troisième clé auquel nous permet de réfléchir à la notion de schisme, et là, ça donne beaucoup à méditer sans doute, c'est le critère d'obéissance en matière religieuse. On pourra y revenir. Quatrième point, l'unité, le rapport entre l'unité et la doctrine. La capacité des institutions ecclésiales, des communautés, à concevoir des hétérodoxies qui ne mettent pas en danger l'unité. On redécouvre la plasticité doctrinale des églises sur un temps long. La question du schisme pose, en outre, le rapport entre l'église et son unité et son autre. En tout cas, ses marges. La notion de schisme permet de définir ceux qui se trouvent immédiatement à l'extérieur. Différents, on arrive toujours à trouver une autre catégorie, différents de ceux qui semblent tout à fait étrangers. Par la question, par exemple, du pouvoir des schismatiques. Évidemment, on trouve ça chez les Latins, mais chez les Grecs, par exemple, J'ai parlé rapidement de ce que permettait Saint Basile, l'administration par économie des sacrements. Cela permet aujourd'hui à l'orthodoxie de considérer que ceux qui doctrinalement paraissent beaucoup plus éloignés que l'Église catholique, c'est-à-dire les Coptes, les Arméniens, les différentes églises du Proche-Orient, sont plus proches d'elles. Elles considèrent que, en permettant des cas de communicatio in sacris qui ne sont pas permis avec l'Église romaine, en considérant que ce sont simplement des schismatiques. Donc, dans les ressorts théologiques et juridiques de la notion, ça permet de définir une marge, une sorte de proximité, des perméabilités entre l'Église parfaite, en quelque sorte, et des gens qui se trouvent juste en marge, au-delà de ceux qui se trouvent plus loin. Enfin, il y a une clé de réflexion, bien sûr, autour du schisme et de la nation, qui fait écho à la notice nationalisme de Dyckhoff, qui se cantonne principalement à l'époque contemporaine, mais souvent, ça permet de réfléchir également schisme, nation, prétention d'universalité d'une église, puisqu'évidemment l'anglicanisme s'est fondé sur une réflexion sur la nation, le gallicanisme a longtemps réfléchi également en ces termes, et on voit que dans les controverses, la diplomatie moderne, la notion de schisme est très utilisée comme menace de schisme, comme épouvantail, comme crainte entre la France et Rome ou entre l'Espagne et Rome. Je m'arrête sur ce point. Je vous remercie. Merci. Il y en a qui ont envie d'applaudir. Bien, écoutez, il y a du grain à moudre, effectivement. Là, je ne sais pas. La pluralité des critères que vous avez évoqués montre que là, il y a véritablement un travail de mise en ordre. Comment hiérarchiser ces critères entre les questions des. Je dirais la limite des aspects institutionnels, des aspects doctrinaux, des aspects. Ben alors finalement, c'est ben, dissocier évidemment des aspects politiques, vous avez dit au début, politique. Donc comment synthétiser tout ça pour essayer de faire une notice qui soit. Qui tiennent, parce que là, il y a beaucoup de choses, hein, il y a énormément de contenu, mais je laisse aux spécialistes, tu vois, à ceux qui en savent beaucoup plus que moi, le soin de s'exprimer. Dominique a levé le doigt, Jean-Pierre également avec des choses. Vas-y, la question que vous pouvez poser à la suite de ta présentation, c'est le rapport comme tout à fait... la façon dont ça se compose, ça se décompose et recompose, hein, dans une perspective large, analytique comme la nôtre. Bien, on a noté la migration, j'allais dire, un peu classique vers le langage politique, bon, parfait. On a vu comment la question se constituait avec une articulation importante, en tout cas dans le monde occidental, dans le monde oriental, qui se confirme également entre schisme et hérésie. Hein. Pour l'Occident, tu fais référence à la lutte contre les donatistes, qui est vraiment très très intéressante, parce que le donatisme, c'est le problème de l'appartenance à l'Empire, hein, qui s'oppose. C'est-à-dire, finalement, à quelle unité appartenons-nous, hein. On explique que c'est l'Église qui s'intègre à l'Empire, et pas l'inverse. Donc, on voit bien qu'il y a une réflexion sur la globalité qui se fait à ce moment-là et qui rend peut-être quelque chose d'assez dense à cette articulation entre schisme et hérésie. Un temps qui paraît important dans le jalonnement que tu proposes, c'est à travers la réflexion de Dupron, c'est la façon dont l'hérésie va alimenter une espèce de dynamique structurelle intéressante de la confession et l'Église. Et au fond, la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce qu'il n'y a pas, dans ce temps-là, un tournant qui revitalise la catégorie schisme dans de toute autre base que l'articulation précédente. Bon, ça, c'est une première question. La seconde question, c'est quel intérêt attribuer au fait qu'il y a un moment donné dans l'Occident où on se met à écrire des traités d'épistémologie. C'est-à-dire que c'est très bien que dans la typologie des genres, c'est pas pour rien qu'à un moment donné un genre apparaît par un autre. Quelle importance y attribues-tu? Moi, je pense effectivement que l'époque grégorienne est une époque absolument capitale, parce que ça croise une autre problématique qui nous avait retenue l'an dernier, qui est la problématique de la chrétienté. Oui. Moi, j'ai été tout à fait impressionné par les parallèles de la chronologie dégagée l'an dernier dans nos discussions sur chrétienté plurielle, altimédiévale, des micro-chrétientés, chrétienté unique avec une constitution, je vais dire, géopolitique centrée sur Rome. Et puis, les chrétientés plurielles, de la chronologie, des professions de foi, de tout ce que tu nous as dit sur la vraie rupture. Bon, voilà, je pense que ça fait un ensemble de questions. Jean-Pierre, vous voulez répondre tout de suite ? Non. Moi, je suis frappé d'abord de... Bon, moi, je suis de formation philosophe et ensuite devenu sociologue. Même si j'ai beaucoup écrit sur des thèmes qui appartiennent au passé, je crois que je ne suis pas du tout historien. Et en vous entendant, j'ai entendu un historien. Et alors ça me frappe beaucoup parce que je pense que procéder à un historien, ça permet de voir des choses que moi je ne vois pas, ou de donner une importance à des choses qui vous paraissent mineures. Et inversement, je pense qu'il y a aussi des choses qui ne me satisfont pas tout à fait dans votre propos et qui tiennent au fait que je parle à partir des exigences d'une autre discipline. Alors en particulier, ce qui m'a troublé, si vous voulez, ce qui m'a paru très intéressant dès le début, c'est la manière dont vous avez posé la question, en somme, de l'intérêt, de la qualité, de la définition du mot schisme, du terme de schisme, et de la possibilité de l'expatrier dans le domaine des sciences sociales. Vous avez dit ça à peu près, en fait, d'en faire quelque chose du côté des sciences sociales. Et vous avez répondu, si j'ai bien compris, par la négative, et c'était assez logique, puisqu'en fait, tout votre parcours consiste à relativiser cette notion, à montrer ses fluctuations dans le temps, ses proximités avec la catégorie d'hérésie, etc. Alors, ce qui veut dire que, d'une certaine manière, vous avez accepté de parler de la notion de schisme d'un point de vue émique, du point de vue de ceux qui manipulent cette notion. Alors moi, je suis un ancien, peut-être dans les sciences sociales, moi je suis un partisan du point de vue éthique. Moi, je suis toujours dehors. Et j'essaie de trouver des moyens, justement, de catégoriser des faits qui ont bien sûr une catégorisation indigène, mais essayer de les repenser, de voir s'ils peuvent rentrer dans des catégories appartenant aux sciences sociales et qui permettent de les généraliser. C'est ce que j'ai essayé de faire, la notion de sainteté, par exemple, en disant, bon, il y a un usage théologique, mais on peut déjà produire un concept anthropologique de la sainteté. Donc là, peut-on produire un concept sociologique ou anthropologique du schisme? Alors moi, ma réponse est oui. C'est-à-dire que, effectivement, il faut essayer de voir comment... Dans ce que vous avez dit, une des définitions, et je n'ai pas noté tous les auteurs, hein, mais que ce qui était en question, c'était des autorités. Est-ce qu'on retient ou pas des autorités? Le problème, c'est que les autorités, il y en a de plusieurs sortes dans une religion. Et il me semble que, ou des formes de légitimité, je dirais, il y en a de plusieurs sortes. Et donc moi, je suis peut-être naïvement ou maladroitement weberien, mais j'aime bien procéder par idéotype. Et il me semble qu'on peut construire un idéal type du schisme, comme justement un différent renvoyant à des questions de légitimité, c'est-à-dire à des formes très juridiques, finalement, et que le principe du schisme ne suppose pas du tout la différence doctrinale. Si vous prenez les petits schismes récents dont vous avez parlé, la petite église, etc., ils disent « non, mais nous, on est d'accord ». Il n'y a pas de problème, l'Église catholique, elle est bonne, mais elle a fait des choses qui ne sont plus acceptables du point de vue de sa légitimité de type juridique. Alors donc, je suis entièrement d'accord avec vous, je ne vois pas comment je pourrais ne pas l'être, pour dire que les schismes se doublent souvent de divergences doctrinales qu'on peut rapprocher de la catégorie d'hérésie, et là aussi il faudrait préciser ce qu'on entend exactement par hérésie. Quel est le type d'autorité qui est discuté par l'hérésie? C'est pas évident. Quelle est la forme d'autorité de l'Église qui est discutée par l'hérésie? On y reviendra peut-être plus tard, j'en parle pas maintenant. Mais si vous voulez, même si les choses apparaissent en général brassées dans l'histoire, mêlées, il me semble que la méthode de clarification des types même si ces types idéaux n'existent pas, est extrêmement éclairante parce qu'elle nous permet justement de, d'abord, de gagner en généralité, c'est-à-dire de savoir de quel type de réalité religieuse relève l'idée de schisme. Moi, je dirais que ça relève de l'innovation religieuse, d'une forme de prolifération des espaces communs des religions, des groupes religieux. Bon, à l'intérieur de ça, il y a plusieurs façons de se légitimer, de poser une différence et de s'y maintenir. Eh bien, le schisme en est une. Voilà comment je poserais le problème. C'est-à-dire en essayant de spécifier la façon dont on s'oppose à travers une figure du type schisme. Et à ce moment-là, ça devient transposable à d'autres contextes religieux. L'islam, par exemple, ça pose pas de gros problèmes. Voilà, c'est plutôt une question de méthode, si vous voulez, que j'aurais à débattre avec vous, que des questions de contenu, puisque sur les contenus, je crois que tout ce que vous avez dit est très riche et très vrai, hein, quant à ce qui est des proximités, schisme, hérésie, etc. Frédéric, tu voulais intervenir également ? Oui. Alors d'abord, je voudrais remercier Aurélien pour nous avoir promené non seulement dans l'histoire, mais dans toute la Méditerranée. C'est réalisé tous les jours. Et je voudrais revenir sur une remarque qu'il a faite, non pas autour de la rupture de communauté ou de la séparation de l'autorité légitime, mais autour du schisme comme état fragile et intermédiaire, dans lequel il est revenu d'ailleurs en conclusion, hein, en évoquant le schisme comme une marge, comme une sorte de proximité par rapport au cœur de l'institution. Et ce qui m'a frappé ici, c'est la thématique de l'idée d'obstination qui, je trouve, est extrêmement pertinente pour en particulier l'époque contemporaine. Car ce qui est frappant, je crois, dans l'idée de schisme à l'époque contemporaine, et je ne me permettrai pas d'aller évidemment ailleurs, puisque ce n'est quand même pas mon champ, c'est à quel point l'institution centrale a toujours entretenu l'espérance qu'elle pouvait mettre fin au schisme, alors qu'elle continuait à combattre avec ardeur l'hérésie. Et que cette distinction, qui n'a plus beaucoup de sens, au sens où on ne brûle plus au XXe siècle, mais reste vraie néanmoins. Et je crois qu'on peut réinterpréter fortement ce qui s'est passé ces dernières années dans le rapport de la papauté avec la dissidence, et là je pars sur un autre terme, le lefébriste, à travers justement ce prisme du schisme. C'est-à-dire l'idée qu'en fait un schisme, on peut revenir dessus à un moment ou à un autre. Alors ça prendra peut-être du temps, et je pense que c'est là où la force de la différence doctrinale que tu as évoquée, très justement, qui est réelle, mais qui en même temps n'est pas au cœur peut-être de la définition schismatique, joue son rôle. C'est-à-dire qu'il y a des éléments de différence dogmatique, mais il y a des éléments suffisamment peu puissants, entre guillemets, pour qu'on puisse espérer un jour mettre fin à un schisme et faire revenir ce que tu as appelé au début les brebis égarées au cœur de l'institution. Et alors évidemment, là, je me place du côté de l'institution. Mais je trouve que cette idée d'un schisme état fragile est de ce point de vue-là intéressante comme approche. C'est tout ce que je voulais dire. Et je voulais m'excuser aussi du fait que je vais partir bientôt pour mes devoirs de père. Oui, voilà. Ce que dit Frédéric, ce que j'ai entendu, c'est que le schisme n'était pas une affaire de doctrine, mais c'était une affaire de personne. Une personne qui est investie d'une autorité, qui représente, qui incarne peut-être une autorité. Une autorité qui garantit quoi ? Une unité. Donc, en effet, on peut revenir sur un schisme parce que les gens peuvent se réconcilier. Alors que si on s'écarte sur le plan de la doctrine, c'est plus difficile peut-être à... Mais ce qui m'a intéressé aussi par rapport à ce que disait Jean-Pierre, c'est que, et ce que vous disiez vous, c'est que finalement c'est un concept endogène. Mais ça aussi, ça nous intéresse en termes de sciences sociales. C'est un concept endogène au christianisme. On était dans le christianisme, très intéressant pour des gens qui ne sont pas spécialistes du christianisme. Passionnant. Parce que c'est quand même notre histoire, endogène. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut faire un outil d'analyse sociologique ? C'est aussi nos questions, ça, à partir d'un concept typiquement endogène. Et alors, endogène à quoi ? Endogène à qui ? Vous avez commencé votre propos en parlant ce qui concerne, peut-être ça peut être transposé à d'autres religions monothéistes, avez-vous dit. Et vous avez parlé de l'islam. Alors, faut-il que ça soit du monothéisme ? Et peut-être que oui. Endogène au monothéisme, et pourquoi ? Qu'est-ce que le monothéisme par rapport à ces questions d'unité, de construction de l'autorité ? Bon, voilà, que des questions. En tout cas, pour ma partie, le schisme, c'est quelque chose qui peut se penser éventuellement, si on en avait besoin, s'il fallait pousser très loin, on s'en sert jamais, jamais, jamais, mais on peut imaginer que ça serait à l'intérieur d'un mouvement bien défini, et ça serait, on s'écarterait d'une filiation, en effet, comme Mgr Lefebvre s'est séparé du pape. Voilà, si je peux transposer, hein, à une autre échelle. Oui, moi, j'irai un peu dans le même sens que Catherine. Je me demande s'il est possible d'objectiver les catégories de schisme ou d'hérétique, dans la mesure où, en fin de compte, ce sont des catégories de classement qui n'ont de sens que maniées par une autorité. Voilà. Autrement dit, ça sert essentiellement à gérer des conflits internes. Je pousse un peu le bouchon, mais ce ne sont pas des catégories permettant d'identifier des faits sociaux en tant que tels, ce sont des dispositifs permettant d'évaluer des situations de conflit, et l'extériorité, on l'apprend, au fond, en analysant qui dit que l'autre est schismatique. Car c'est toujours l'autre qui est schismatique. Personne ne se revendique d'être schismatique. C'est toujours une autorité qui désigne. On est toujours le schismatique de l'autre, et donc, ou l'hérétique de l'autre. Alors, avec, effectivement, des différences de niveau et d'implication entre les deux, que vous rappelez. Mais moi, je dirais que la problématisation sociologique de la question du schisme ou de l'hérésie se fait finalement à travers la mise en perspective sociologique des usages de ces catégories ad intra. Ce qui n'exclut pas une typologie des différents. Absolument. Par exemple, Sur la typologie des différents, je suis absolument d'accord. Ouais. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a posé ça, la typologie des différences devient extrêmement intéressante parce qu'elle correspond à des, si j'ose dire, à des montées en puissance de la dissuasion. Enfin, c'est comme la force atomique, quoi. Enfin, l'hérésie, c'est clairement au-dessus de l'intervention. Mais on ne peut rien en faire en tant que tel, c'est ça que je veux dire. Ça n'a pas de sens indépendamment d'un dispositif de régulation dont il est une des modalités d'ajustement dans les situations de conflit. Mais est-ce qu'on n'a quand même pas affaire à deux discours un peu différents? C'est-à-dire, on voit très bien, quand on a une approche historique, comment la notion peut être construite à l'intérieur d'une histoire interne, donc l'histoire du christianisme. Mais maintenant, pour reprendre les affaires de verticalité et d'horizontalité, si on fait ce que tu viens de faire, c'est-à-dire si on déconstruit un concept et qu'on repère exactement ce qu'il signifie à l'intérieur d'un certain dispositif, est-ce qu'on ne peut pas, à ce moment-là, essayer de repérer le même type de fonctionnement dans d'autres dispositifs religieux, et à ce moment-là, transformer la dintra en adéquation, et le reprendre, mais investi d'un sens horizontal et non plus. Et ça, ça a réuni voilà. Mon propos est celui de Jean-Pierre. C'est exactement ce que vous venez de dire, parce que ça m'a beaucoup interpellé. Effectivement, la question que je voulais poser, c'était: est-ce que, justement, schismatique, mais c'est qui l'est? On est encore dans les définitions comme hérétique. Qui c'est qui manie ces termes-là? Donc, d'évidence, c'est l'autorité qui va les désigner. Je me disais, est-ce que, par exemple, les premiers schismatiques nommés, dont les Novatiens, est-ce qu'eux-mêmes ils se considèrent schismatiques? Je ne pense pas. Non, bien sûr que non. Hein. Et, bon, donc, j'ai je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais ce que je aussi voulais dire, il y a peut-être intérêt aussi à faire, et ça je pense que Dominique ne peut être que d'accord, par rapport à peut-être à la chronologie aussi du terme hérésie qui évolue évidemment de l'Antiquité et donc ensuite au plein Moyen-Âge. Et vous avez parlé tout à l'heure aussi de l'époque moderne. D'évidence que le terme hérésie à cette époque-là, il n'a plus le même sens. Donc peut-être aussi à le manier tenant compte de ces contextes, des contextes par période aussi. Hein. Et j'ai l'impression aussi en vous entendant, ça m'a fait effectivement réfléchir à quelque chose, j'avoue que je ne, je n'avais pas beaucoup réfléchi auparavant. Et c'est vrai que, en traduisant en termes modernes, ce qu'on appelle aujourd'hui dissident, puisque c'est aussi les thèmes clés des